D'accord. Réveillé après un long sommeil anesthésié. Comme une piqûre de rappel, une montée d'adrénaline. Tout d'un coup, putain, fait du bien. Pulsion de vie, con. Autour. Les tours montent de plus en plus haut. L'inégalité aussi. Au fur et à mesure que la bourse monte, la chute, la fin du monde, la fin de cette civilisation. Si la fin de cette civilisation n'est pas la fin du monde, devant l'évidence de la catastrophe, ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte, ceux qui dénoncent, ceux qui portent plainte, et il y a nous, on s'organise. À distance, avec bienveillance, sans a priori, ouais. Comme ça, c'est la puissance. C'est la puissance du peuple. La possibilité de se mettre en interaction. La volonté de liberté. C'est la puissance du peuple. The power of the people. Take it. If you want, you can take it with you to it. You can make music. Can share. Yeah. Transmet l'histoire, les peuples. Interaction. Capacité d'écoute. Stratégique. De plus en plus cynique. Pas le choix, t'es lucide ou pathétique. psycho, psychopathétique. Heureusement, il y a les amis. Volcan, nous le savons, mais quand même. Nous dansons quand même. Oui, on le sait, oui, on consent. Yeah, we know, yeah, we know. I know, Kinson. Tu le sais, tu le sens. Mais tu consens quand même. Tu le sais, tu le sens. Mais tu consens. Après, tu te sens mal, finalement. Tu le sais, tu le sens, mais tu consens quand même. Tu le sais, tu le sens, mais tu consens quand même. Oui, tu consens. Tu connais les conséquences, mais tu consens quand même. Tu le sais, tu le sens, c'est du court terme, mais tu consens quand même. Tu le sais, tu le sens, mais... confort, tellement de confort, d'un moment, comfortable numb. Comfortable and numb. Big brother, my brother. Comfortable and numb. Matrixé jusqu'à l'os. À quel point l'humain déléguera son humaine Human Condition. Quel point délégera Human face à la beauté du monde, les oiseaux, les cascades, la beauté, beauté du monde, butterfly. Mushrooms and trees, friends and enemies, on this planet, maybe. Probably not, probably. Probably. Of course. Humanity on this place, Yann Le Rouge dans la place, avec ce cours, ce dessin, l'arrivée, occupant la place pour partager. De la beauté du monde, capacité, able to listen, able to share, able to make music, able to listen. No need God, no need master. Car rien ne manque au triomphe. Non, rien ne manque au triomphe. Non, rien ne manque au triomphe de cette civilisation. Non, rien ne manque au triomphe. Rien ne manque. de cette civilisation. De notre civilisation. Bon, rien ne manque. Rien ne manque. Triomphe. Ni la terreur politique, ni la misère affective. Non, rien ne manque, rien ne manque. Ni les désastres universels. Non, rien ne manque. We'll be right back. beauté, d'un sourire. Ce monde paradoxal. J'ai envie de m'enfuir. Ça va trop vite, ça va trop loin. Here and now, philosophy. Poème. C'est une proposition. Exalté, la beauté. Another dawn, another day. Après avoir été anesthésié, je me suis réveillé. Wake up. And I wake up this morning. Where do I start? Where do I begin? Where do I start? Where do I begin? Sunday morning. And it was my bed. Old musician. My baby must be crazy. Another dawn, another day. You and me. Us. All them. Me. Everybody. It's somebody to love. Human. All around the world, same song, same jump, same chat, same. Yeah. Universal power of liberty. We need to fight again. Liberty is not all, not all. C'est pas un dû. C'est pas acquis. La liberté, faut se la gagner. Faut pas lâcher, faire front. Laisser faire, faut faire front, faut contrer le discours ambiant. Non, hey. Regardez, on fait des sons, on les échange à travers le monde. Thank you, Reaper, thank you, Ninja. About to share around the world. About to love again. Global problem, local solution. Mais pour autant, thank you, Darwin. Thank you, network. Truc de fou. Truc de dingue. Truc de psycho. Saurait te mettre le compteur à zéro. Habillage, société du spectacle, marchandises globales totales. Tout est à vendre. Love for sale. Love.